passe, le ciel est lâche. Toujours rien. Le temps passe, le ciel est lâche. Toujours rien. Le temps passe, le ciel est lâche. Une mise à jour, destins ordinaires, album photo ouvert, les feuilles jaunies par le temps, salies par la poussière, on s'écroule sous les ans. Pierre est bien portant, la sève monte, monte jusqu'au point culminant. Pas des chasses, on prend déjà ses jambes, à son cou le soleil plombe le bitume, des jameaux, des mouches aux pattes englues. Nous sommes tous maintenus dans un état léthargique, dans l'attente d'un ciel qui craque et nous envoie ses pépites magiques. Toujours rien, le temps passe, le ciel est lâche. Toujours rien, le temps passe, le ciel est lâche. Toujours rien, le temps passe, le ciel est lâche. Toujours rien, le temps passe, le ciel est lâche. Des vagues de sueur inondent les corps, les cœurs sont secs, c'est indolore et inodore, même si l'odeur adhère au décor. Une tente, le trophée de la mise à mort. Toujours rien, toujours dans, pas ce ciel est lâche. Toujours rien, toujours dans, pas ce ciel est lâche. Toujours rien, toujours dans, pas ce ciel est lâche. Toujours.